serait pour plus tard. Moi j'avais des choses à régler, à dérégler. Je ne voulais plus de Paris, je ne voulais plus du désespoir. J'avais envie de m'envoler, de rêver. Cachera mes larmes, enfin, s'il pleut, enfin, s'il pleut. Un jour, je reviendrai, c'est sûr, mais demain est bien compliqué. Je suis devant tant de ruptures, tant de blessures, que garder de cette aventure, que le vent de la liberté, soufflant de la mer, un air pur, ou impur, ou impur. J'avance et chaque seconde fait partie de mon passé. Je vis avec cette histoire et avec bien des regrets. J'avais beau ne pas vouloir, cette fille, je l'aimais. Le bateau a quitté le port, tout a changé désormais. Mais jusqu'à l'heure de ma mort, cette fille, je l'aimerai. Le bateau a quitté le port, tout a changé désormais. Mais jusqu'à l'heure de ma mort, cette fille, je l'aimerai, je l'aimerai. Je l'aimerais, ouais, je l'aimerais, cette fille, je l'aimerais, cette fille, je l'aimerais, cette fille, je l'aimerais, cette fille, je l'aimerais, cette fille, je l'aimerais, cette fille. Jusqu'à l'heure de ma mort, cette fille, je l'aimerai, je l'aimerai, je l'aimerai.